بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس الثامن. 8e leçon. داخل الشقة. Des fois ils écrivent الشقة, des fois ils écrivent الشقة. Je crois que moi je connais الشقة بالكسر. Donc à l'intérieur de l'appartement. داخل, c'est à l'intérieur. صحية. صحية, ça veut dire sanitaire. Une chose qui a. Ça peut être. Hygiénique, mais c'est plus lié à la santé. Mine siha. Daoun, là c'est la luminosité. Atal yotillu, c'est dans le sens donner une vue sur quelque chose. Dans le texte, ça va apparaître. Inch'Allah. Atila, maïdan, afouen, maïdan. C'est une place, c'est une place. Ça peut être un rond-point aussi. Grande place publique. Meidan. Attila ou ça c'est de la peinture. Ici ils disent Boya. Et si tu veux entendre, au Yémen ils disent Boya pour dire peinture. Tawqi'un, là c'est signature. Waqa'a yuwaqi'u, tawqi'un, c'est le fait de signer. Al-Aqdu, là c'est un contrat. Comme l'Aqd de Zawaj, contrat de mariage. Aqd Bay, c'est un contrat de vente. Mafatih, c'est le djinn de Miftah. Clé. Les clés. Al-Athath, c'est les meubles. Wa Muhkama, à la base que de Muhkama, là c'est dans le sens que hermétique, je pense. Mohkama, c'est une chose qui est. Ça dépend du contexte, une chose qui est jugée, effective, qui est. Par exemple, le verset Mohkama, l'ayat Mohkama, c'est les versets effectifs sur lesquels on revient. Lors des Mutashabihat, on vient. Ayat Mohkama, c'est un verset qui est effectif, qui n'est pas abrogé, et qui est clair. Taïb, El-Hiwar. On a encore Sahib El-Maktab, on a encore Abdullah et encore Othman. مازلت سأقرا صاحب المكتب وأنت تقرأ عبد الله وعثمان. قال هذه هي الشقة تفضل بالدخول. Donc voici l'appartement et donnez-vous la peine d'entrer. Voilà comme ça. إنها مناسبة وصحية لأن نوافذها واسعة وضوء الشمس يدخلها Donc il dit convenable, les convenables, et on dira sanitaire, je ne sais pas s'il y a un autre mot plus approprié, il faut dire propre, tu vois, hygiénique, dans ce sens-là, car ces fenêtres sont grandes et la lueur du soleil y rentre et qu'elle donne, c'est-à-dire sa vue donne sur une grande place. Non. شقة جيدة وأبوابها جميلة وغرفها واسعة كما ترى وألوانها بعيد بديعة ils l'ont pas mis dans le truc, on va expliquer. Donc il dit oui, c'est un bon appartement. جيدة, c'est une bonne chose. طيب, يعني. Ses portes sont belles et ses pièces sont grandes, spacieuses. Comme tu le vois, et ces couleurs sont sans pareil. Sans pareil. Ça vient d'une chose badia, c'est une chose qui a sens, qui n'a pas de précédent. Unique. Quoi. Le mot bida vient de là, le ba, le da et le ayn. Comme a dit Azza wa Jal, badi'u samawati wal ard. Dit celui qui a créé les cieux et la terre sans exemple précédent, c'est-à-dire sans avoir été avoir c'est fait des choses pareilles auparavant. Sans précédent. Voilà, mais là on dira sans pareil, tu vois. C'est moi encore. Non. Mata. Mata Atasallamouha. Dire quoi atasallama? Recevoir. Non? Si, recevoir. Quand est-ce que je peux, en fait, la... Recevoir. Elle est disponible. Voilà. Récupérer, peut-être. La prendre, quoi. Quand est-ce que je peux le prendre? Non. Iza nasabatkuma hadi shiqqa nadhhabu ila al-maktab li tawqi' 'aqd al-ijar thumma tatasallamani al-mafatih. Qui dit, si jamais elle vous plaît, ou il vous plaît, vous correspond, il y a cet appartement, on va à l'agence pour signer l'acte de location et ensuite vous pouvez récupérer les clés. لأنني أريد أن أشتري الأثاث وأدواتي والأدوات المطبخ الضرورية. Il dit on va aller avec toi maintenant pour pouvoir compléter les formalités. On avait dit jira'at. Voilà l'inunhiya, c'est l'nantahiya. Pour terminer, finir les formalités en fait. Du contrat. Car je voudrais acheter du mobilier ainsi que les ustensiles de cuisine impératifs, c'est-à-dire d'avoir les choses dont j'ai besoin dès le début, quoi, indispensable. La deyna mahallun li bay' al-athas al-manzili wa bi jiwarihi mahallat li adawat al-manziliya. Nous avons justement une boutique qui vend les meubles. Un est pour la maison. Et à côté, il y a des boutiques qui vendent justement tout ce qui est équipement ménager ou les choses de la maison. Il a dit, nous ne pourrons pas aujourd'hui faire toutes ces choses-là. Donc, d'abord que nous complétions les formalités du contrat et nous achèterons le mobilier demain. Donc, voici le contrat, il y a besoin de ta signature. Il dit bien, donne, c'est un isme fi'al qui veut dire donne les clés. Tafadhal khuzha. Tiens, prends-les. Shukran, barakallahu fik. Salam alaykum, ma'a salama. Ma'a salama, ça c'est une expression des Awam. À la base, tu dis salam alaykum. Tu réponds au dua. Taïf. Tadrib al-awwal, ajib al-as'ila al-taliya. On va répondre aux questions. Ala madha tatillu ash-shiqqa. Sur quoi donne la vue de l'appartement? Kayfa ghurafuha. Comment sont ses pièces? Madha yaf'alu idha nasabathu ash-shiqqa. Que fait-il si jamais l'appartement lui convient? Mata yatasallamu al-mafatih. Quand est-ce qu'il récupère les clés? Kayfa alwanu ha'it ash-shiqqa. Comment sont les couleurs murales de l'appartement? Mur. À la base c'est mur, mais non. On dirait les couleurs du mur, mais nous on dirait la couleur murale. Mais ha'it, c'est un mur. Non. On peut dire jidar également. Sadisan, ma'adha qala sahib al-maktabi al-aqari an al-abwab. Qu'est-ce qu'a dit le propriétaire de l'agence immobilière à propos des portes? C'est lui qui a parlé? Je ne me rappelle pas que c'est lui qui a parlé. C'est Hoffman qui a parlé des portes, c'est pas Sahib al-Maktab. C'est une erreur, c'est Hoffman, c'est pas Sahib al-Maktab. Sabi'an, hal yastati'ani 'amal kull ma yuridani fi al-yawm al-wahid? Est-ce qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent en une seule journée? Thaminan, madha fa'ala fi dhalika al-yawm? Qu'ont-ils fait, c'est-à-dire eux deux, ce jour-ci? Tasi'an, Mata yashtariyani el firosh. Quand est-ce qu'ils achètent l'immobilier? Firosh, c'est déjà parlé d'immobilier. Ashiran, mata yuwaqi'u Mustafa al-Aqd. Mustafa. D'où il sort Mustafa? Quand est-ce que Mustafa signe le contrat? Il veut dire Abdullah. Il veut dire Abdullah. Ils ont confondu. Comme dans notre question, ils ont confondu. Comme il dit ici, ech dakhalak. Mustafa. Pourquoi tu te mêles, Mustafa? Cette affaire ne te concerne pas. Athani, akmil kama fi namouzaj. Comme dans l'exemple. Anana shira al-yom. Yakoul, lenna stati'a shira kul hadith asha al-yom. Donc là, tu rentres shira al-yom dans la phrase. Ça fait, nous ne pourrons pas acheter toutes ces choses-là aujourd'hui. On avait dit quoi, len? Ça veut dire quoi, len? Négation dans le futur. Non. Et c'est le futur qui vient derrière, les mansoub. Qadha radan. لن نستطيع قضاء كل هذه الأشياء غدا. قضاء serait le sens de terminer, achever. ترتيب الساعة. لن نستطيع ترتيب كل هذه الأشياء ساعة. Nous ne pourrons pas ranger toutes ces choses là dans l'heure, ou en une heure. Tartib, c'est le fait de ranger les choses, de mettre dans l'ordre. Ada'a al-an. Ada'a dans le sens de faire quelque chose, en fait. Ma'na fa'al. Bay' al-layla. Nous ne pourrons pas faire la vente de toutes ces choses cette nuit. Athalith, imla al-fara'at fil jumal al-atiya bi-ikhtiyar al-kalimat al-munasiba mimma yali. Donc là, on a des phrases, tu dois mettre les mots afwan, kalimat, dans les fara', des phrases. Tutillu al-alwan idha al-aqd tawqi' ghadan. Tutillu, c'est donner sur une vue. Attalla yutillu. Jumla l'oula. Saufa nashtari al-firash. Nous allons acheter al-firash. Thanien. Inna jidran al-hujrati hasanatu. La jidran, c'est le jam de jidar qui veut dire ha'it. Certes, les murs de cette chambre sont d'une bonne quelque chose derrière. لن نستطيع اليوم العقد. Nous ne pourrons pas aujourd'hui le contrat. Rabi'an, le trou, quand on parle de trou directement. Nasabatkum hadi shiqqatu nadhhabu ila al-maktab li tawqi' al-'aqd. Donc vous convient cet appartement, nous allons à l'agence pour signer le contrat. Khamisan sanukmilu ijra'at al-an. Nous allons compléter les formalités maintenant. Il manque un mot avant maintenant. Sadisan, inna shiqqata ala maidani wasi'. L'appartement sur une grande place. Arabia, akmil kama fi namouzaj. Namouzaj, on a nahnu, entre parenthèses, yakul, sanadhabu al-an linunhiya ijra'at al-aqd. On va aller maintenant pour finir les modalités du contrat. Là, il veut apprendre à utiliser lam ta'lil. À la voix, le verbe, c'est anha yunhi. Anha yunhi. Là, on a mis lam devant. Ce lam, c'est pour un sens de pour. Et c'est parmi les nawasib. Et le verbe qui vient derrière est mansoub avec une fatha. Ou alors on enlève le noun, comme on l'a pris. Le verbe il est mansoub là. Le noun hiya. À la base, c'est noun hi. Il a écrit noun hiya. Il est mansoub à cause de ce lem là. Ah, c'est pour ça qu'il rendait majeur ce lem. Là. À la base, c'est harf jar. تمام. مي لا سي ان هاك سبيسيال على باس سي يعني اللي ناصب سور ان مود مرا يعني ان اون فيت كي كاشي سا بروندرا سا دون جور مي ان شاء الله تو ريست لا ظاهر تو ديك سي ان ناصب اوكي تو دي جيتو لليمن لي اتلوبا العلم في نو يمن بو في طلب العلم فهمت. جيت تو الى مطعم لي اكل الطعام. سا سي ابر ان فيرب ان فيت سا سي كون لو سي دون سا روند ان فيرب نعم دون شاك فيرب كو سا روند سولا اي سرا منصوب سرا منصوب. طيب دونك مينو تو في باريك لي لا ميم فراز افيك لي ضمائر اخرى. انت ستذهب الان لننهي لتنهي Là maintenant, tu le verbe, tu le, ah oui, tu le, tu le composes avec le domir qui correspond entre parenthèses. Anna. Li unhiya, comment tu as dit? Ça dit là, c'est moi là. Hua. Hia. ستذهب الان لتنتي لو ميم تنتي سي هي سي بانتي اه لتنتي لتنهي اجراءات العقد هما يجي باس مذكر ومؤنث وقول ياسم مذكر سيذهبان الان لينهي اجراءات العقد على باس ينهياني لو نلف لنون احسنت هم سيذهبون الان لينهيوا لينهو لينهو يا باليا لينهو لو يا il a enlevé il a enlevé le hu car le waou ساكن le ya ساكن الماجو ساكنين donc comme le Waouh, c'est un damir, c'est un ism. Comme l'un des deux sakines est tombé, on fait tomber le harf. Tu prendras ça dans le sarf, Inch'Allah. Yunhu. Là-bas, c'est yunhuna. On enlève le noun parce qu'il est mamsoub. Hunna. Hunna. Alors. Siyadhabanu. Siyadhabanu. Siyadhabna. سيذهبنا سيذهبنا الآن لي ليان ليو سي ان رباعي كومونس بار يو ليو على اتون سيذهبنا je t'avais donné la fida ليون هنا اي تو لاستف اللي بمني ليون هنا ليون هنا اجراءات العقد احسنت. تدريب الخامس ضع وصفا مناسبا كما في النموذج. Donc là tu dois donner un adjectif qui correspond, صفه. يكون مثلا انها شقه en dessous ils ont mis صحيه. Donc maintenant toi tu vas trouver un صفه مناسب. انها الوان جميله نعم دبل كلها. انها نوافذ مفتوحه نوافذ اسخ نوافذ يعني بد تنوين نوافذ على وزن مفاعل ايوه تدي كوا مفتوحه رفوف تجم دو رف سي تاجير رفوف انها رفوف كبيره كبيره أبواب إنها أبواب إنها أبواب مغلقة مغلقة فهم. سادي سمت لي كيستيون بار رابور ريبونس دوني على في البيت. تطل الشقة على ميدان واسع que l'appartement donne sur une place large. ثانيا سنوقع عقد الإيجار الآن. Nous allons signer le contrat de location maintenant. ثالثا نعم الأبواب والنوافذ محكمة. Il dit oui, les portes et les fenêtres sont hermétiques. Comme ça. رابعا هذه محلات بيع الأثاث. Ce sont des magasins qui vendent de l'immobilier. سنكمل إجراءات العقد. Nous allons compléter les modalités du contrat. السابع يقول أكمل الجملة في ألف بما يناسبها من باء. T'as deux colonnes, une colonne t'as un début d'une phrase et dans l'autre colonne t'as une autre phrase. Tu dois lier avec celle qui correspond. هذا سيكون في البيت. Tu feras la maison, Inch'Allah, on lira directement demain, Inch'Allah. والثامن نكمل بهذا. C'est mettre les mots dans une jumla mufida. كلمة الأثاث دوء serait دوءون à la base. Peut-être qu'il veut que ce soit دوء ou soit un مضاف. Il veut le mettre en مضاف. ميدان c'est une place. أنها c'est finir. أطل c'est donné sur par la vue. الأبواب معروف. النافذة معروف. اللون معروف. محكمة يعني هرمتيك. وهكذا. Et chaque mot dans une phrase مفيدة ou plusieurs si tu veux. عظم مفهوم هذا. Donc غدا on prendra ces exercices et on révisera les mots, le vocabulaire de ce texte là et celui d'avant. Non, du 6 et 7 et 8, donc 3. نعم فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.